Leçon 3A, la rue Daguerre. Julien habite 10 rue Daguerre. Isabelle et Julie aussi. À côté, il y a un café avec une terrasse. Il s'appelle le Daguerre. Dans la rue Daguerre, il y a des immeubles, des hôtels, des cafés et des restaurants. Il y a aussi des magasins, par exemple, une parfumerie, une poissonnerie, des boucheries, des épiceries et des boulangeries. Aujourd'hui, c'est le marché. Alors, dans la rue, il y a des stands. Ce sont des stands où on trouve des fruits, des légumes et des fleurs. On trouve aussi des vêtements.